Section 24 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 24. Mon portrait, par Jules Clarty, à Mademoiselle L.A., pour accompagner un portrait à l'eau forte. J'aime assez les petits portraits qu'autant jadis les gens de lettres et les femmes d'esprit faisaient parfois d'eux-mêmes. Il est évident que le peintre, en pareil cas, voit, comme on dit, en beau son modèle. Il appuie sur le sourire, il glisse sur les verrues, il regarde d'un œil parfaitement indulgent l'être qui pose devant lui. Mais en dépit de tout, le croquis est souvent plus vif et plus piquant, et plus narquois même, que s'il eût été jeté sur le papier par autrui. On se connaît fort bien soi-même, je pense, et pour peu qu'on soit sincère, on se juge, je crois, aussi nettement que pourrait le faire un rival, un confrère, un ennemi ou un ami. Ce temps-ci a d'ailleurs donné tort au mot fameux. Le « moi » est haïssable. Comme tout le monde parle de soi, et avec une extrême bienveillance, le mot nouveau serait celui-ci. Le « moi » est adorable, d'Alembert, publiant aujourd'hui, comme il le fit jadis, son mémoire sur lui-même, le saupoudrerait lestement d'épithètes doucement louangeuses, qui n'étonnerait personne que lui, ce grand homme de grande bonté ayant été fort modeste. C'est même sans doute à cause de cette modestie que Mademoiselle de l'Espinasse lui a préféré des gens qui ne le valaient pas. Comme les années passent vite, j'avais eu jadis l'idée d'un livre qui eût été comme la déposition attristée de toute une génération, se plaignant de ce qu'elle aurait pu souffrir, et je me proposais d'appeler ce livre, plus général que personnel, « Mémoire d'un homme de 30 ans ». J'avais 26 ou 27 ans lorsque cette idée m'était venue et je trouvais terriblement lente à passer ces 3 longues années qui me séparaient encore de la trentaine. Quand aurais-je donc 30 ans pour écrire mon fameux livre? La trentaine arriva. Elle sonna pendant l'année du siège de Paris. Et qui s'inquiétait alors d'écrire des volumes? Aurait-on même jamais le temps d'en lire dorénavant? Bref, entre l'heure où je me disais avec impatience que je voudrais avoir 30 ans et celle où je me dis avec inquiétude « je vais en avoir 40 », il me semble qu'il s'est à peine écoulé quelques minutes. Un souffle, un rien, un changement de décor dans une féerie. La vie est une pièce, souvent mal faite et qui décidément va trop vite, tout en ayant parfois bien des longueurs. Je ne suis pas fâchée, il est vrai, de n'avoir pas écrit ces mémoires d'un homme de 30 ans. Il en est des ouvrages qu'on a rêvés sans les écrire, comme les femmes qu'on a aimées sans les posséder. On leur trouve toutes les qualités. On ne cesse jamais d'y penser. Ce sont des livres qu'on bâtit pour soi, dans les chers instants de songerie. Ce sont des visages souriants qu'on retrouve au fond du passé, toujours jeune, dans les mélancoliques heures de ressouvenir. Qui peut me contester que les mémoires d'un homme de 30 ans ne soient, je ne dis pas seulement mon meilleur livre, mais un livre excellent, profond, éloquent, indigné, admirable. Il a toutes les vertus, parce qu'il n'existe pas. Nous devrions ainsi laisser beaucoup de nos ouvrages dans les limbes. Peut-être nous trouverait-on alors beaucoup plus de talent qu'on ne veut bien nous en accorder. C'est une si grande force et une si bonne tâche et un si éclatant avantage que de n'avoir jamais rien fait. Quelqu'un qui a fait peu de choses en art est déjà redoutable, mais celui qui n'a rien fait, j'entends rien de rien, est invincible. Il est d'abord invulnérable, comme Achille, Il a même plus d'avantages que le héros d'Homère. On pouvait atteindre Achille au talon, tandis que c'est généralement au talon même que celui qui n'a rien fait, le peintre dont le pinceau est vierge de toute création, ou l'écrivain dont l'encre sèche dans l'encrier, mord celui qui a fait quelque chose. Je voudrais n'avoir de tous ces volumes que j'ai publiés, écrits, rien que les titres. La maison vide, le troisième dessous, la maîtresse, les amours d'un interne, monsieur le ministre, candidat. Ce serait charmant s'il n'y avait point de la prose sous la couverture. Il se trouverait des gens pour les déclarer supérieurs. Mais je n'ai pas eu, et je le regretterai, la joie de les écrire. C'est ma vie, le travail. J'ai passé les années aux archives pour y rechercher de l'inédit sur les hommes et les choses d'autrefois, les élégances du XVIIIe siècle, les tumultes de la Révolution. Et je n'ai jamais été aussi heureux que lorsque je sortais la tête lourde et le portefeuille plein de faits nouveaux, des salles de l'hôtel Soubise. Faire avec plaisir et honnêtement un travail qui vous plaît, c'est le bonheur tout simplement. Ajoutez à cela des livres curieux, de rares tableaux, un enfant qui lit déjà mon récit, le drapeau et la liberté de vivre donnée par le livre. Liber libro, c'est ma devise. Voilà qui console de perdre beaucoup de ses cheveux et quelque peu de ses illusions, tout en gardant, je crois, les amis de sa jeunesse, excepté ceux qui sont tombés. Ah! Que de morts déjà quand j'y songe. Lorsque, à mes débuts, j'allais voir un homme que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup écrit et que j'ai beaucoup lu, Jules Janin me dit « Mon enfant, il faut songer à avoir un bel enterrement. » Et il riait, le bon Janin. Au fond, il était sérieux. Avoir un bel enterrement, c'est avoir par son travail et la dignité de sa vie, mériter le regret de ceux qui demeurent, c'est avoir été aimé et estimé. C'est n'avoir jamais repoussé une main tendue, un espoir tremblant, n'avoir point fermé l'oreille à une plainte, la porte à un malheur, l'espérance à un début, la pitié à un vaincu. Pauvre et cher Janin, qui ne fut rien qu'un grand homme de lettres, à l'heure où tant de gens sont affamés de pouvoir, de plaisir, d'argent, de glorioles officielles, bibliophile Janin, Janin qui fut sage, et dont le buste souriant est toujours là-bas, entouré de vignes vierges, posé dans la muraille du chalet de Passy. Vous aviez raison, mon ancien, et je dirai, après vous, à ceux qui me demanderont un conseil. Il faut songer à une seule chose, avoir un bel enterrement. Mais en attendant, me dira-t-on, qui êtes-vous ? Moi, je suis comme tout le monde, fait de contrastes. Je passe pour être l'homme le plus ordonné de la terre, et je serais bien embarrassé de trouver un livre, du premier coup, dans ma bibliothèque. Je suis timide, au point de ne pas entrer dans un magasin où je vois un bibelot qui me tente. Et j'ai fait des conférences devant 2000 personnes, sans la moindre émotion. Au théâtre, j'ai donné jadis des pièces dont je voyais parfaitement certains défauts, que je ne corrigeais point pour ne pas déplaire à tel directeur qui attendait la première pour sa fin de mois, ou qui m'attendrissait en me disant qu'il avait fait beaucoup de dépenses. Je suis dupe, en sachant que je suis dupée. Je me promets d'ailleurs de ne plus l'être, et je recommence. Je dois passer pour habile, et je suis tout le contraire d'un homme habile. N'osant pas aller dans les bureaux de journaux, je mettais jadis furtivement mes articles à la poste, à l'heure même de ma chère collaboration au temps où j'étais tout à fait de la maison, je n'entrais jamais dans les cabinets de rédaction, sans un certain trouble. La Comédie française m'a appris à ne me troubler de rien. Quoi qu'il en soit, j'ai l'air d'un mondain, et je suis un sauvage. On me voit un peu partout, et je ne me sens à l'aise que la main à la plume, devant ma table de travail. Ah, le travail, c'est là ma vie. J'ai fait du roman, et j'ai tâché de dégager de la stricte réalité humaine ce qu'elle a de consolant et de progressif. J'ai fait de l'histoire, et j'y ai cherché, après mon maître Michelet, l'âme même de la patrie. Je serai au besoin chauvin. C'est un ridicule honorable. J'ai fait de la critique et j'ai toujours parlé des gens comme si je leur parlais, selon un bon mot qui est, je crois, de fievé. J'ai fait du théâtre. Mais ne pensons plus à ce rêve puisqu'aussi bien je suis là pour travailler au succès des autres. J'ai fait de tout. Enfin, me sentant attiré par tout ce qui parle à mes instincts d'historien ou d'artiste, allant aujourd'hui visiter les champs de bataille de l'Alsace où dorment nos morts, et demain courant au salon où la statue nouvelle et le tableau m'appellent, passant de la salle pétrière où Jean Mornas m'attirait à la salle du comité des gens de lettres où m'appelaient mes confrères. J'ai beaucoup voyagé, aimant à la fois l'action et la solitude, me reposant d'un labeur par un autre et chassant la fièvre du travail par la fièvre du chemin de fer. Au fond, je suis de ceux qui aspirent toute leur vie au repos, ayant en eux un paresseux éperonné, ne se repose jamais et continue à piocher toujours et avec délice, en se répétant cependant, ce serait si bon de ne rien faire, et si facile, et si agréable aux camarades. Allons, je vais encore rêver à ce livre, qui dans 2 ou 3 ans ne pourrait plus s'appeler que les mémoires d'un homme de 50 ans. Voilà un livre, et personne au monde ne le lira que moi, qui ne l'écrirait probablement jamais. Fin de la section 24, lue par Margot.